marche de liberté. Sur le mur de sa viole, y'a les posters de pion qui lui collent encore la colle. Et pour prémir les roustons, malin qu'il m'adore, il la trouve pour seul décor. Quel délicieux maton et un splendide mirador. Sur le coup, il a tatoué une hirondelle délavée. Qu'elle s'envole, c'est mal barré. Te prends la chaîne pour l'entraver. Prête en Christ un but. Y'a toute sa porte pour te raconter qu'il a une vie pour regretter. Le roi du Mawashi, prête en Christ un but. Y'a toute sa porte pour te raconter qu'il a une vie pour regretter. Sur le bras il a entré, juste histoire pas l'oublier. Y'a si doux ballant de cette chaîne de liberté. Sur le trou il a tatoué l'hirondelle délavée. Qu'elle s'envole, c'est mal barré. Prends la chaîne pour l'entraver.